c'était le titre de Du classé 5e dans notre concours. On passe directement à la place numéro 3 puisqu'on a deux ex-aequo pour la place numéro 3. On écoute tout de suite et on découvre le titre de Kimbo tout de suite et juste après une petite surprise. C'était Kimbo avec son excellent titre qui est classé numéro 3. Et à la troisième place, ex aequo avec lui, c'était mon titre, puisque moi aussi j'ai joué avec ce concours sur le site web de l'émission www.soundsystem.fr.fm.